J'ai laissé derrière moi mes amours, mes peines et mes joies. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Pour toi, j'ai laissé derrière moi tout ce que j'aimais avant toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Mon univers s'est transformé. J'ai l'âme claire d'un nouveau-né. Pour mieux te plaire, j'ai tout changé. Vois, j'écris mon nom à l'envers. Oh yeah! Pour toi, j'ai laissé derrière moi tout ce qui m'éloigne de toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? C'est tout cela. Si je devais vivre deux fois, les deux fois, oui, crois-moi. Pour toi, je laisserai derrière moi mes amours, mes peines et mes joies, sans rien attendre de toi. Toi, tu n'as rien voulu changer. Tu m'aimes bien, ça je le sais, mais pas au point de t'évader de ton passé. Pour moi, moi qui n'aime que toi, jamais tu ne t'écarteras de ton chemin de joie. Pour moi, moi qui n'aime que toi, jamais tu ne t'écarteras de ton chemin de joie.